Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, second traité, chapitre 2, des fins pour lesquelles Marie a été créée. Nous avons à parler des fins que Dieu s'est proposées en créant Marie, du but qu'il a eu en vue dans cette œuvre sublime. Mais qui peut savoir, dira-t-on, quelles ont été ses fins, quel a été ce but? Je réponds qu'il ne nous est pas donné, à la vérité, de pénétrer dans les conseils divins pour en connaître les déterminations, mais nous pouvons cependant en avoir quelques connaissances, soit que Dieu nous les ait manifestées, soit qu'elles apparaissent par leurs effets. Il y aurait à considérer bien des fins que Dieu s'est proposées en créant ce magnifique chef-d'œuvre, comme, par exemple, de préparer à sa divine majesté un temple, un tabernacle, un lit nuptial, etc. Mais laissant de côté quelques-unes de ces considérations, que nous avons déjà touchées ailleurs, nous tâcherons de réduire toutes les autres aux trois suivantes. Dieu créa Marie, premièrement pour nous manifester d'une manière particulière ses divins attributs, spécialement sa sagesse, sa puissance, sa magnificence. Deuxièmement pour qu'elle fût la mère du Verbe incarné. Troisièmement pour qu'elle fût la mère et l'avocate des pécheurs. Premier paragraphe. Marie créée pour manifester d'une manière particulière les perfections divines. Il ne peut y avoir de doute dans l'esprit d'un fidèle que toutes les créatures n'aient été tirées du néant, pour servir à la gloire et à l'honneur du Tout-Puissant. La foi même nous enseigne que Dieu a tout créé pour lui-même, Proverbe 16, 4. Et la raison de son côté nous persuade aussi que Dieu ne peut avoir d'autre fin dernière que lui-même. Il est le principe, il est la fin, alpha et oméga, Apocalypse 1, 8. Principe et fin non pas de lui-même, mais de ses ouvrages, comme soin de nous en avertir saint Thomas. Il n'y a donc dans cet univers aucune créature, quelque imperceptible qu'elle soit, quelque imparfaite qu'elle paraisse à nos yeux, que Dieu n'ait qu'ordonné à sa gloire. Et quelle gloire veut-il tirer des créatures? Serait-ce sa gloire essentielle? Serait-ce la félicité inhérente à son être? Non, certainement, il est heureux et très heureux en lui-même, et n'a pas besoin d'autre chose. Il ne lui revient rien de ces créatures, quelle gloire les a-t-il donc coordonnées, à la gloire qu'on appelle accidentelle ou extérieure, et qui consiste dans la manifestation de ses divins attributs, de ses perfections ineffables. C'est fort bien, me répond-on, mais qu'y a-t-il donc de particulier dans Marie, si toutes les créatures sont coordonnées à cette fin? Il y a cela de particulier que Marie fut choisie pour représenter les perfections divines de la manière la plus excellente. Dieu peut et doit être admiré dans tous ses ouvrages, mais il est surtout admirable dans ses saints, psaume 67, 36, et par-dessus tous les saints, il se montre digne d'admiration dans Marie, dans sa mère. Et qu'y a-t-il d'étonnant en cela? Demande saint Bernard, homélie 4 super missus est. Toutes les créatures sont comme autant de miroirs dans lesquels se réfléchissent avec éclat les rayons de la sagesse, de la puissance, de la magnificence de Dieu, en un mot, de tous ses attributs. Et parmi les créatures les plus propres à représenter les perfections divines sont évidemment les créatures raisonnables, spirituelles, qui sont dites formées à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dans lesquelles Dieu a imprimé un caractère spécial de cette ressemblance. Mais il faut remarquer qu'un miroir représente d'autant mieux les qualités de l'objet qui se trouve en face de lui, qu'il est plus pur, plus clair, et plus exempte de toute souillure. Or, parmi les pures créatures, s'en trouve-t-il une qui soit plus pure et plus immaculée que Marie? On peut dire de Marie qu'elle est l'éclat de l'éternelle lumière, le miroir pur et sans tache, Sagesse 7, 26. Elle fut déclarée dans le 7e Concile Général, Session 3e, voir Suarez, la plus pure de toutes les créatures sensibles et intelligentes, d'une pureté si grande, dit saint Anselme, qu'en dehors de Dieu, on ne peut même s'en figurer de plus parfaite. Elle est donc le miroir le plus propre à représenter aux yeux de toutes les créatures les perfections divines. Jamais, d'après les choses créées, nous ne pourrons nous former une idée moins imparfaite de Dieu, qu'en considérant Marie elle-même. Bien plus, l'Esprit Saint nous a enseigné par la bouche même de cette Vierge excellente que son âme glorifie, élève, exalte le Seigneur, Luc 1, 46. Elle ne le glorifie sans doute pas en lui-même, mais elle le glorifie à nos yeux, elle l'exalte par rapport à nous. Si donc Dieu a exécuté ce magnifique ouvrage pour une fin si noble, je vous laisse à penser quels doivent être les mérites et les perfections qu'il y a rassemblés. Un artiste a coutume, parmi les ouvrages qui sortent de ses mains, d'en perfectionner un plus que tous les autres, afin de faire paraître tout son génie. C'est dans ce chef-d'œuvre qu'il cherche non seulement à surpasser tous ses semblables, mais encore à se surpasser lui-même. Il y applique son esprit tout entier, il y déploie tout son savoir et toutes ses ressources, il ne s'épargne ni peine, ni souci pour faire quelque chose d'accompli, de parfait sous tous les rapports. L'ouvrage est-il achevé? Il s'arrête à le contempler avec complaisance, il le met au rang de ce qu'il a de plus cher et de plus précieux. Sa joie, son bonheur est de voir ce chef-d'œuvre attirer l'attention et les éloges de la foule. Ce n'est là qu'une image bien faible, mais suffisante toutefois pour nous donner une idée de cette pure créature que Dieu a formée, perfectionnée, embellie de toute manière, avec tant de soin et d'attention. Aussi la regarde-t-il comme son chef-d'œuvre, et j'aime à me représenter, dans les bornes étroites de mon intelligence, la joie toute particulière qu'il doit éprouver en voyant les hommes et les anges s'empresser de contempler la beauté de Marie. Les mérites de ce grand ouvrage, de sa sagesse et de sa toute-puissance, je me dis que Dieu doit se complaire infiniment à voir exalter la magnificence qu'il a répandue avec tant de profusion dans une si sublime créature. Que s'il en est ainsi, quelle plus douce occupation pouvons-nous avoir que de contempler Marie? Outre la satisfaction que nous éprouvons naturellement en l'admirant, il nous en reviendra encore une grande utilité, une utilité toute spéciale, c'est que par là nous réjouirons le cœur de Dieu, nous le glorifierons, nous nous rendrons agréables à ses yeux, et nous mériterons d'être un jour glorifiés. 1 Roi 2, 30. Élevons donc sans cesse nos regards vers Marie, méditons ses grandeurs, applaudissons à ses perfections, mais surtout exaltons celui qui en fut le souverain auteur. Disons à Marie et répétons souvent, ô Marie, que vous êtes belle. Cantique 4, 7. Vous êtes toute belle, ô Marie. C'est tout ce que je puis dire. Vous êtes toute belle, Marie. Vous êtes toute belle. Et moi? À moi, je suis plein de difformités. Moi aussi j'ai été créé pour être un miroir où reluisent les attributs divins, mais par ma faute ce miroir a été couvert de souillures. Il n'est plus capable de représenter les divines perfections. Ô Marie, obtenez-moi de Dieu une grâce qui me purifie, m'embellisse, sinon autant que vous, du moins autant qu'il est nécessaire pour être votre enfant. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.